ta chevelure si blonde, tes idées perdues dans ton monde, ta personnalité, mes mots qui te font pleurer. Tes yeux qui s'illuminent quand je te parle de nous. Excuse-moi pour le mal que je t'ai fait. Marion, je t'aime toujours.